Bonjour à tous. Aujourd'hui, suggestion pour la Saint-Valentin. Filet de bœuf de charolais, jus de vin rouge. Deux filets de bœuf de 180 g, deux échalotes, une gousse d'ail, une branche de thym, un demi-litre de vin rouge corsé, 15 cl de fond de veau brun, 75 g de beurre, du sel et du poivre. Poêlez les filets de bœuf à feu vif 3 minutes de chaque côté, les retirer, les maintenir au chaud sur une grille. Dans le sautoir de cuisson, échalotes émincées, ail en chemise, thym, faire revenir jusqu'à légère coloration. Mouiller au vin, réduire de 3 quarts. Ajouter le fond de veau. Cuisson 2 minutes à feu doux. Filtrer, monter au beurre froid et mettre au point. Taper chaque assiette de sauce, plus le filet de bœuf. Garniture pomme dauphine, un petit vin conseillé, un Malbec rouge à boire avec modération.